King Beats. Woo, woo. Woo, woo. Tous les jours on est des gangsters. Tous les jours on nique ta mère. Tous les jours on est des gangsters. Tous les jours on nique ta mère. Tous les jours on est des gangsters. Tous les jours on nique ta mère. Tous les jours on est des gangsters. Tous les jours on nique ta mère. Tous les jours on est des gangsters. Tous les jours on nique ta mère. Tous les jours on est des gangsters. Tous les jours on nique ta mère. Tous les jours on est des gangsters. Tous les jours on nique ta mère. Tous les jours on est des gangsters. Tous les jours on nique ta mère. Le 357 est chargé, rafale de flow, envoie la monnaie. Tous les jours on est des gangsters, on fait que des choses concrètes. Ces salopes font que tourner, nous on reste à la même place. Pas de gilet pare-balles, on a les couilles dures comme un bloc de glace. Pas de place pour les faibles, j'suis le meilleur sans me jeter de fleurs. J'te pond des textes en un quart d'heure, en deux mots, j'emballe ta sœur. Rien ne sert de courir, le passé nous rattrape toujours. Tous les jours on nique ta mère, autour de moi j'vois que des vautours. Ils veulent tous prendre ma place comme si j'allais lâcher mon trône. Ils assument pas les face à face, sourire de traître à la De Gaulle. Chirac, Sarko, Hollande, tous ces bâtards nous l'ont mise. L'homme est rempli de promesses, mais jamais rien se concrétise.